بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet inshallah de continuer donc l'étude de ce texte Al-Usul al-Thalatha de Cheikh Mohamed ibn Abd al-Wahhab rahmatullah alayh. Nous nous étions inshallah arrêtés au dernier cours à l'explication donc de la milla de Ibrahim alayhi salam al-Hanifiyya. Ce qui fait que nous avions terminé donc l'introduction du shir composée elle-même de trois parties. Et bi iznillah azza wa jal, nous entrons donc inshallah dans le cœur de ce texte-là aujourd'hui qui sont donc les trois fondements, d'où le titre donc de cet épître. Donc ces trois fondements-là sont le cœur du texte de Cheikh Mohamed Abd al-Wahhab. Et ces trois fondements doivent être pris au sérieux par le musulman. Pourquoi ? Car ce sont le test, la fitna du qabr. Toute personne, lorsqu'elle mourra, verra la terre le recouvrir. Puis les gens l'ayant enterré s'en iront. Il entendra même le bruit des sandales, des chaussures de ces gens-là. Puis deux anges viendront à cette personne-là. Et là seront donc dans sa tombe, le mettront en position assise et lui poseront trois questions qui sont les trois fondements ici développés par le Cheikh Rahimahullah, qui sont Man Rabbouk. Première question, ce sera Man Rabbouk. Quel est ton Seigneur? Quel est ton adoré, comme nous allons le voir? La deuxième question, Ma Dinouk. Quelle est ta religion? Et la troisième question, Man Nabiyouk. Aw Madha Taqoulu Fi Rajul Alladhi Bu'itha Fikum. Quel est ton prophète ? Ou bien, que dis-tu au sujet de la personne qui vous a été envoyée ? Donc, ces trois questions sont la fitna du qabr, la tentation de la tombe. Et la réponse ne sera possible que pour quelqu'un ayant vécu selon ces trois questions-là, les ayant préparées. Et quand on dit préparer, c'est par la connaissance et les actes. Les ayant comprises et les ayant vécues aussi dans sa vie, les ayant pratiquées. Ayant vécu la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant adoré Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant adopté comme religion l'islam, en ayant suivi le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, celui-là, bi'iznillah, entrera dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti. Allah subhanahu wa ta'ala raffermira donc les croyants par la parole ferme, qui est la ilaha illallah, dans ce bas monde et dans l'autre. Quant à celui qui aura vécu selon ses passions, selon le kufr, le shirk, il répondra donc aux questions des anges, « Ah, ah, sami'tu an-nas yaquluna shay'an, faqultu, ah, ah, j'ai entendu les gens dire quelque chose et je l'ai répété. » Donc ces trois notions-là, bi'iznillah, doivent être comprises, ça c'est la première chose. Et la compréhension simple, comme nous l'avons vu, comme nous allons le voir à nouveau aujourd'hui, ne suffit pas tant qu'elle n'implique pas l'acte. Tant que la connaissance ne reste qu'une connaissance et qu'elle ne donne pas naissance à l'acte, c'est en réalité de l'ignorance, comme a dit Fudayl ibn Iyad, rahmatullahi alayh. Donc il est important, quand on étudie ce type de texte, de ne pas rentrer simplement avec une approche de connaissance et de cumul d'informations. Ça, c'est un des problèmes, des études de certains. Qu'Allah nous en protège, inshallah, et nous permet, biiznillah, d'étudier convenablement. C'est qu'il faut mettre en lien ces informations avec notre cœur. Et avec notre corps, ensuite, les pratiquer. Pas simplement cumuler comme ça des informations, comprendre des définitions, et ensuite, ceci est stérile, et ne donne pas naissance à l'acte. Il faut, bi'iznillah azza wa jal, essayer de vivre ce que l'on est en train d'étudier. Ce qu'on a étudié en alliance et désaveu, il faut le vivre. Ce qu'on étudie en termes d'adoration, il faut le vivre. Tout ce que l'on, bi'iznillah azza wa jal, tout ce que l'on étudie, il faut essayer, inshallah, de le mettre en pratique dans sa vie. Donc le Cheikh rahimahullah a dit, فَإِذَا قِيلَ لَكْ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Si l'on te demande, plus précisément, s'il t'est demandé, quels sont les trois fondements dont la connaissance est obligatoire pour toute personne. Dit alors, la connaissance d'Allah, donc la connaissance du serviteur de son Seigneur Allah, de sa religion et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh rahimahullah a commencé en disant فَإِذَا قِيلَ لَكَ s'il t'est demandé. مَلْ أُصُولُ الثَّلَاثَةَ quels sont les trois fondements? Le Cheikh ici utilise une forme de pédagogie dans la science qui est la méthode question-réponse. Et cette méthode-là est une méthode qui est utilisée, pourquoi? Parce que elle attire l'attention du lecteur. Elle attire l'attention du lecteur. Et ça a été une méthode utilisée par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a utilisé cette méthode-là avec les compagnons radiyallahu anhum. Par exemple, il dit à Abdullah ibn Abbas, « Ala u'allimuka kalimat, ne veux-tu pas que je t'enseigne certaines paroles ?»« Atadruna mal ghiba, savez-vous ce qu'est la médisance ?» Le prophète alayhi salatu wassalam a posé la question donc aux compagnons qui ont répondu « Allah wa rasuluhu a'lam » Allah et son messager sont plus savants. Ensuite, il a dit « Dhikruka akhak bima yakrah » c'est l'évocation de ton frère par ce qu'il déteste. Il aurait pu, alayhi salatu wassalam, tout de suite, donner l'information et la définition de « al-riba », la médisance. Mais le prophète, sallallahu alayhi wassalam, a d'abord posé la question pour attirer l'attention des compagnons sur l'importance de ce qui va être dit ensuite. Donc c'est une méthode qui a été utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une méthode qui est profitable. Cependant, ce n'est pas parce qu'elle est profitable et qu'elle a été utilisée à certains moments ou endroits par le prophète alayhi salatu wa sallam qu'elle doit être généralisée à toute la science et toutes les notions ensuite, que ce soit la aqida, le fiqh, le hadith, le tafsir ou autre, doivent être étudiées sous forme de questions-réponses. Non. Car à la base, on n'étudie pas la science sous forme de questions-réponses, mais ponctuellement, par besoin, et pour aussi faire renaître cette sunna-là, on peut utiliser cette méthode-là. Le shir a utilisé cette première méthode. Une deuxième méthode que le shir a utilisée, rahimallah, ici, c'est qu'il a cité les trois fondements. Donc, il les a cités dans une même phrase, ensemble, pour ensuite les détailler. Donc, il les a globalisés pour les détailler ensuite. Il a dit, فَقُلْ دِي مَعْرِفَتُ الْعَبْدِ رَبَّ c'est la connaissance de son Seigneur, la connaissance par le serviteur de son Seigneur, et de sa religion, et de son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a donc cité ici dans la même phrase les trois fondements. Et ensuite, il va consacrer à chaque fondement un paragraphe spécifique. Il va consacrer un paragraphe pour expliquer le premier fondement qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis un deuxième paragraphe pour expliquer la connaissance de la religion et enfin un troisième paragraphe pour expliquer la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont des méthodes qui ont été utilisées par le prophète alayhi salatu wa sallam et cette seconde méthode aussi a été utilisée dans le Coran par Allah azza wa jal. Allah dit al-qari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a yawma yakunu an-nasu kal farash al-mabthuth. Allah subhanahu wa ta'ala ici a utilisé la première méthode qui est la question et ensuite il a détaillé la notion de qari'a, le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Qui te dira qu'est-ce que le fracas? Yawma yakunu an-nasu kal farash al-mabthuth, le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Allah subhanahu wa ta'ala utilise souvent cette méthode-là dans le Coran. Donc, il cite des choses de manière globale et les détaille ensuite, subhanahu wa ta'ala. Le shir dit, rahmatullahi alayhi, فَإِذَا قِيلَ لَكَ s'il t'est dit. Ça, en arabe, on appelle ça الْفِعْلُ الَّذِي لَمْ يُسَمْ فَعِلُ. C'est le verbe dont le sujet n'a pas été cité. On n'a pas de sujet ici par rapport à qila. Qui a dit? Il n'a pas dit فَإِذَا قَالَ لَكَ رَجُلٌ فَإِذَا قَالَ لَكَ قَائِلٌ. Si un homme te dit, te questionne, si ton père te questionne, si ton frère te questionne. Il n'a pas cité de sujet, il a dit s'il t'est demandé. Pourquoi? Parce que ce que l'on vise à travers l'étude de ce paragraphe-là, c'est la réponse à la question. Ce n'est pas spécialement la question. ou bien qui questionne. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la réponse à cette question-là, car la question sera posée par les anges dans la tombe. Mais toi, il t'incombe de répondre. Donc l'importance ici, hein, la lumière est mise sur la réponse, plus que la question. Donc s'il t'est demandé quels sont les trois fondements dont la connaissance est obligatoire pour tout être humain, pour toute personne. Quels sont les trois fondements ? Mal osoul ou salatha. El osoul, c'est le pluriel de asl en arabe. El asl. Et el asl, c'est le fondement, la racine. C'est ce sur quoi autre chose est fondée. El aslu, aslul jidar, c'est le fondement du mur. Donc le mur est construit sur l'asl, sur sa base. Aslu shajara, c'est la base de l'arbre, donc ses racines. Donc el aslu, qui est le singulier de osoul, donc osoul est le pluriel de asl. El asl, c'est le fondement. C'est ce sur quoi repose une autre chose. Et s'il a dit al-thalatha, les trois fondements. Les trois fondements. Et est-ce que le cheikh ici vise l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas six? Non. On a vu qu'il y avait d'autres fondements dans ce même texte. Il a parlé au tout début de l'obligation de connaître quatre choses et d'agir par ces choses-là, par ces quatre notions-là. Yajibu ala, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Donc dans la première introduction, la première partie de l'introduction, il a dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire, donc pour nous, d'apprendre quatre notions. Donc au début, c'était quatre notions obligatoires. Ici, c'est trois notions obligatoires. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus. Mais celles-ci sont vraiment les trois fondements mères. Hein, ce sont les trois grands fondements sur lesquels vont se ramifier les autres. Donc ce sont des fondements, lorsqu'ils disparaissent, il y a disparition de l'islam. Lorsqu'il y a disparition de la connaissance d'Allah, il y a disparition de l'islam. Lorsqu'il y a disparition de la connaissance de l'islam, il y a disparition de l'islam. Donc apparition du kufr. Lorsqu'il y a disparition de la connaissance du prophète alayhi salat wa salam, et nous verrons quelle connaissance, pas la connaissance linguistique mais la connaissance législative, il y a aussi disparition de l'islam et donc apparition de la mécréance. S'il t'est demandé quels sont les trois fondements, donc le cheikh ici ne vise pas l'exhaustivité, c'est-à-dire que c'est trois, pas plus, pas moins. Non, ce n'est pas un nombre qui est prédéterminé et auquel on ne peut pas ajouter d'autres fondements. أنه يجب فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. Si l'on te demande quels sont les trois fondements dont la connaissance est obligatoire pour tout être humain. La connaissance, al-ma'rifa. Nous avions expliqué al-ma'rifa au début. Donc au premier dars, nous avions expliqué la connaissance linguistique, fitriya, donc qui est instinctive, qui est naturelle, qui est celle du cœur, et seulement du cœur, qui se différencie donc de la connaissance législative, qui est une connaissance prenant naissance dans le cœur, mais devant impliquer de manière obligatoire les actes du corps. Donc prononciation de la langue et actes des membres. Quelle est la connaissance visée par le cheikh ici? Est-ce que c'est la connaissance linguistique ou bien la connaissance législative? La réponse, bien sûr, c'est la connaissance législative. Il est obligatoire, donc pour tout être humain, de connaître son Seigneur, de connaître sa religion, de connaître le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le connaître comme le connaît Iblis. Iblis connaît Allah dans le sens linguistique, fitri. Iblis connaît la religion, connaît Mohammed, connaît donc ces choses-là. Les juifs aussi connaissent Allah, connaissent l'islam, connaissent le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna kathiran minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ils connaissent, donc ils le connaissent, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comme ils connaissent leurs enfants. Et une partie d'entre eux cache la vérité tout en le sachant. Donc les juifs connaissent ces trois notions-là linguistiquement. Mais est-ce que ceci a donné naissance à l'acte chez ces personnes-là? Non. D'où leur devenir qui sera la gêne, les flammes de l'enfer. Donc la connaissance visée par le cheikh ici, nous le rappelons et c'est important, c'est la connaissance législative, prenant naissance dans le cœur et impliquant obligatoirement les actes du corps. Si l'on te demande quels sont les trois fondements dont la connaissance est obligatoire, nous avions vu aussi que l'obligation rassemble plusieurs notions dans le shara, dans la législation. Le shart, par exemple, si nous prenons la prière, il y a plusieurs obligations en lien avec la prière. Il y a les shorot, les obligations de la prière, qui sont des notions, si elles sont absentes, elles induisent obligatoirement donc l'invalidité de la prière. Comme par exemple, l'orientation vers la qibla, comme le fait de couvrir ses parties intimes, comme le fait d'avoir ses ablutions. Est-ce que ceci sont des obligations ou pas? Oui, avoir les ablutions pour être en état de pureté, pour faire sa prière est une obligation. S'orienter vers la qibla pour faire sa prière, c'est une obligation. Donc ça entre dans el-wajibat, ça rentre dans les obligations. Il y a ensuite, toujours en lien avec le fiqh de la prière ou autre, al-wajibat, les obligations qui sont donc soit des actes ou bien des paroles que l'on fait dans la prière, que l'on doit faire dans la prière, et que si elles sont délaissées de manière involontaire, elles peuvent être réparées par le sujoud de l'oubli. Comme par exemple, takbiratul intiqal, Allahu Akbar de déplacement. Allahu Akbar pour descendre en ruku. Sami Allahu liman hamida, selon le madhhab Hanbali. Rabbana wa lakal hamd. Le fait de dire Subhana Rabbi al-Azim et Subhana Rabbi al-A'la, selon aussi le madhhab Hanbali, la parole la plus propagée dans le madhhab. Donc ces paroles-là sont des wajibat. Yajibu alayka. Le shikh ici dit Yajibu ala l'insan, yajibu. Dire « Sami Allahu liman hamidah » dans le madhhab Hanbali « Yajibu alayka » C'est obligatoire pour toi de le dire. Est-ce que c'est le même degré qu'ici? Non. Car même dans la prière, il y a encore des actes, bien des paroles supérieures en termes de statut à ce wajib-là. Par exemple « Sami Allahu liman hamidah »« Rabbana lakal hamd » sont des wajibettes. Il y a des actes et des paroles supérieures en statut à celles-ci qui sont « Al-arkan » les piliers. Al-arkan. Comme par exemple, takbiratul ihram. Allahu akbar d'entrée. Et Allahu akbar de déplacement. Ce sont les mêmes paroles. Le Allahu akbar d'intiqal, il est wajib. Le Allahu akbar d'entrée, de ihram, donc d'entrée en sacralisation, d'entrée en prière, c'est un rukn. Si je l'oublie, je suis obligé celui-là de le rattraper. Je suis obligé de le rattraper, d'ailleurs même de recommencer ma prière, puisque je ne suis même pas entré en prière en réalité. Et de même, la lecture d'Al-Fatiha, c'est un pilier. Le ruku', c'est un geste, c'est un pilier. Le sujoud, c'est un geste, c'est un pilier. Donc, ça entre dans la grande famille des wajibet, dans lesquelles il y a les shorot, les conditions, il y a les wajibet, dans ce sens que l'on vient de citer, qui est une forme de wajib dans la famille du wajib, englobant les trois, et il y a le rukn qui est le pilier. Ici, le wajib cité par le cheikh, est-ce que c'est le wajib donc que visent les fuqaha, les jurisconsultes, comme on vient de le voir là, par rapport au fiqh de la salah? Non, c'est le plus haut niveau de wajib qu'il existe dans notre religion. Car même ces obligations-là, que nous venons de voir en lien avec la prière, ne sont pas de ce niveau-là. Ça, ce sont des piliers de la religion. S'il y a effondrement de la connaissance d'Allah, il y a effondrement de l'islam. S'il y a effondrement de la connaissance du dîn, de l'islam, il y a effondrement de celle-ci, de la religion. S'il y a effondrement, disparition, absence de la connaissance du prophète Mohammed alayhi salat wa salam, il y a effondrement de la religion. Et donc, apparition de la mécréance. Donc lorsque le cheikh dit quels sont les trois fondements dont la connaissance est obligatoire, c'est le plus haut niveau d'obligation existant dans notre religion. Dont la connaissance est obligatoire pour tout être humain. Al-insan. Le alif lam là, qui pénètre le mot insan, à la base c'est insanun avec un tenouin. Insanun, un être humain. El insanu avec la perte du tenouin. Le alif lam là, qui pénètre insan ici, on dit que c'est alif lam, yani tufidu l'istighraq. Elle donne comme sens, elle a pour sens de rassembler toutes les unités possibles qui peuvent découler de ce mot insan. Donc il y a tout le monde là-dedans, qu'il est obligatoire pour tout être humain, le riche, le pauvre, la femme, l'homme, le gouverneur, le gouverné, tous, l'arabe, le non-arabe, tous sans aucune exception, puisqu'il n'y a pas ici exception citée par le cheikh, tous, il est pour eux obligatoire d'apprendre ces trois fondements-là. Et c'est le même alif lam que l'on a dans surat al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr. Donc ces trois fondements-là sont une obligation pour tout le monde. Et même le mécréant entre là-dedans. Car le cheikh vise par cet épître-là, pas seulement les musulmans, mais aussi les mécréants. Donc ces obligations-là sont une obligation, sont des obligations en lien avec les fondements de la religion. Et nous avions vu que les fondements de la religion incombent aux musulmans comme aux mécréants. Ensuite, le cheikh rahmatullah alayhi dit, faqul, dis donc, si l'on te demande, quelles sont donc les trois notions obligatoires pour toute personne, les trois notions que doit connaître toute personne, dis donc, faqul, qul, c'est-à-dire dis, fa donc, dis donc, ma'rifatul abdi rabbah, la connaissance par le serviteur de son Seigneur et de sa religion et de son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Dis donc, sous-entendu de manière, avec conviction et avec certitude. Car à l'aqida, nous avions vu, à tawhid, il n'est pas permis au doute de le pénétrer. Si le doute pénètre le tawhid, il n'y a plus tawhid. Parmi les conditions de la ilaha illallah, parmi ces sept ou bien huit conditions, il y a al-yaqin, la certitude. Non. Je crois, je pense de manière majoritaire que Allah est l'unique, que Allah est le digne d'être adoré. Est-ce que ceci est du tawhid? Est-ce que ceci est une ma'rifa législative? Non. Donc ce n'est pas une connaissance. De même, je pense que l'islam est la religion de la vérité. Je pense que l'islam est le délaissement du shirk avec la pratique du tawhid. Quelqu'un qui pense cela majoritairement, même à 99,99%, est-il musulman? Non. Donc faqul dit, donc avec conviction, et certitude. Ma'rifatu al-'abdi rabbahu, la connaissance par le serviteur de son Seigneur. Donc al-ma'rifa, nous avons expliqué ce terme-là, c'est une connaissance pas linguistique, mais législative, prenant naissance dans le cœur et donnant obligatoirement naissance à l'acte. Ma'rifatu al-'abdi, donc la connaissance par le serviteur rabbahu, de son Seigneur. Al-'ubudiyya, la servitude. Elle a deux sens dans le Coran. Il y a al-ubudiyya al-qahriya. Il y a la servitude, donc malgré soi. La servitude dans le sens universel. Allah subhanahu wa ta'ala dit « In kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda » Il n'y a pas quelqu'un dans les cieux et la terre sans qu'il ne vienne à Allah comme serviteur. Ça, c'est la servitude dans le sens involontaire, universel. Dans ce sens-là, les mécréants sont des serviteurs d'Allah. Dans ce sens-là, les animaux sont des serviteurs d'Allah. Dans ce sens-là, les musulmans sont des serviteurs d'Allah. Ça, ce n'est pas une servitude qui est volontaire. Et il y a l'autre, ubudiyya, qui est la servitude, donc qui est en relation avec la pratique religieuse de la personne, avec l'islam de la personne. Et c'est la ubudiyya, par exemple, citée par Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a décrit l'ascension de son bien-aimé, le prophète alayhi salatu wa salam, au début de surat al-Isra, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Donc le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a été qualifié ici dans ce verset-là comme étant un serviteur, dans le sens universel qahri, malgré soi, ou bien dans le sens volontaire que c'est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, croyant à Allah et adorant Allah seul, sans associer, dans le deuxième sens. Et parmi le sens aussi second, donc de la pratique religieuse, Allah dit « Wa ibadur rahman alladhina yamshuna fil ardi hauna » et les serviteurs du tout miséricordieux, ceux qui marchent avec tranquillité sur terre. Est-ce qu'il qualifie ici tous les serviteurs d'Allah? Les mécréants sont dans ce verset-là? Les animaux sont aussi dans ce verset-là? Non. Mais le verset que nous avons cité auparavant, « In kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda » tout ce qui est dans les cieux et la terre revient vers Allah en tant que serviteur. Ça, c'est toute sa création. Toute sa la création est dans sa servitude, adoration, dans ce sens-là, universel, malgré soi. Donc, « Ma'rifatul abdi rabbahu » la connaissance par le serviteur. Donc, par le serviteur, celui qui prend le chemin donc d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, selon le chemin du prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. La connaissance par le serviteur, rabbahu, de son Seigneur. Là, je vous demande de vous concentrer, c'est important. La connaissance par le serviteur de son Rabb. Je laisse le mot Rabb arabe de manière volontaire. Donc le mot Rabb, dans la langue arabe, il a plusieurs sens. Et il a ensuite d'autres sens dans le sens législatif. Commençons par la langue arabe. Dans la langue arabe, le mot Rabb, il est utilisé dans le sens de la protection. Al-Hifd, War-Ri'aya, la surveillance. Et aussi, Yutlaqu ala Al-Malik, le possesseur. Aussi le Mudabbir, donc celui qui gère. Al-Qayyim, celui qui est dans l'entretien de quelque chose. Al-Mun'im, le bienfaiteur. Toutes ces notions-là et d'autres, donc sont des unités composantes du mot Rabb. Le mot « Rabb » dans la langue arabe, par exemple, on dit « Rabbul Ibil ». Par exemple, lorsque Abraha est venu pour détruire la Kaaba, et qu'Abdel Muttalib est sorti pour rencontrer Abraha, et lui demander donc de ne pas attaquer la Kaaba, comme vous savez, Abraha avait un campement, et Abdel Muttalib a demandé à entrer dans la tente de Abraha. Et il est entré, et il a trouvé Abraha assis sur un lit. Et lorsque Abraha l'a vu, Abdel Muttalib avait une haïba, un certain charisme, qui a pris Abraha à ce moment-là, et il est descendu donc de ce lit-là, et s'est assis et a parlé avec Abdel Muttalib. Il lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» pensant qu'il avait une très grande demande. Je me reprends parce que j'ai dit au début qu'il était venu pour lui demander de ne pas détruire la Kaaba, ce qui est faux, pardon. Mais Abraha, en chemin, avait pris des chameaux qui appartenaient à Abdel Muttalib. Abdel Muttalib s'est assis et lui a dit « Voilà, je voudrais que tu me rendes mes chameaux que tu m'as pris. » Et il s'est mis en colère à Abraha. Il a dit, tu es venu jusqu'ici pour me demander des chameaux alors que moi je suis venu pour détruire la Kaaba. Et Abdel Muttalib lui a dit, Ama ana farabbul ibil. Il a dit, moi, je suis rabbul ibil, c'est-à-dire le propriétaire des chameaux. Wa amma hadha al-bayt falahu rabbun yahmi. Mais quant à cette maison sacrée, elle a un seigneur qui la protège. Le Diana, Rabbul Ibil, je suis, pas dans le sens le seigneur, mais dans le sens le propriétaire, je suis celui qui les entretient, je suis celui qui les possède. Donc toutes ces notions-là renvoient au mot Rabb dans la langue arabe. Car Abdel Muttalib, à ce moment-là, il utilise le mot Rabb dans le sens législatif ou bien linguistique. Dans le sens linguistique, le prophète Mohammed n'a pas été envoyé. Et c'était des gens qui étaient sur le shirk. Donc le mot Rabb renvoie à toutes ces notions-là, protection, surveillance, possession, prendre soin, donner la subsistance, protéger, etc. Toutes ces notions-là sont en lien avec le mot Rabb dans la langue arabe. Ici, le Cheikh a dit, Ma'rifatul abdi rabbahu, la connaissance par le serviteur de son Rabb. Est-ce qu'il vise le sens linguistique? Non, bien sûr. Nous sommes ici dans l'étude de l'aqida, dans l'étude du tawhid. Et ces notions-là sont des notions législatives. Le tawhid, il a une définition dans le shara, dans la législation. Le mot shirk, il a une définition dans la législation. Et une des grandes erreurs, et beaucoup de sectes s'égarent, car elles définissent les termes, non pas par leur sens du Coran et de la Sunna et des salafs, qui sont les trois sources permettant de définir donc une notion législative. La définition, soit elle est dans le Coran, soit dans la Sunna, soit les Sahaba radiallahu anhum. Ce siècle-là, quand on veut dire les salafs, c'est le siècle des Sahaba radiallahu anhum. Ils définissent la notion. Lorsque les Sahaba sont en accord sur la définition d'une notion législative, ça veut dire que c'est une réelle définition législative et il est obligatoire pour nous de l'accepter. Et beaucoup de sectes comme les Murji'a définissent par exemple al-Iman par la langue, par at-Tasdiq, par la véracité, la croyance, qui est la définition du Iman dans la langue arabe. Le mot Rabb ici aussi, hein, certains Asha'ira par exemple, vont se tromper dans la définition du Tawhid, de la ilaha illallah, par une définition erronée du mot Rabb. Donc ici le shir dit ma'rifatul abdi rabbahu. Quelle est la définition du mot rabb dans le shara, dans la législation? Dans la législation, ar-rabbu, ar-rabb, c'est al-ma'boud, c'est l'adoré. C'est al-ma'boud, comme le shir va le dire tout de suite, comme il va le définir ensuite. Ou bien al-ilahul muta', comme dit Cheikh Ibn Taymiyyah, la divinité à laquelle on obéit. Donc, Ar-Rabb, à la base, ça renvoie tout de suite à Tawhid al-Rububiyyah. Quand on voit le mot Rabb, ça renvoie à Tawhid al-Rububiyyah tout de suite. Et nous avions vu que le Tawhid, donc, est de trois catégories. Le Tawhid de la seigneurie, le Tawhid de la divinité ou bien de l'adoration, et le Tawhid des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions dit, dans nos premiers cours, que ces trois catégories de tawhid sont interdépendantes. Elles sont interdépendantes. Tawhid al-Rububiyyah et Tawhid al-Uluhiyyah, le premier implique le second. Le tawhid de la seigneurie implique, s'il est complet et réel, le tawhid de la divinité. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après la confirmation de Quraysh qu'ils croient en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur reproche leur non-adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur reproche le fait qu'ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent c'est Allah. Et que dit souvent Allah subhanahu wa ta'ala après ces verset là, afala tattaqun, afala ta'qilun, ne craignez-vous donc pas, est-ce que vous ne raisonnez pas? Donc vous attribuez ceci à Allah subhanahu wa ta'ala et vous adorez autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car l'unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie doit impliquer obligatoirement l'adoration de celui-ci. Si pour vous c'est le créateur, si pour vous c'est le tout entendant, si pour vous réellement c'est le tout puissant, c'est celui qui donne la vie, la mort, qui élève, qui rabaisse, alors pourquoi adorez-vous autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc Allah fait le reproche à Quraysh de confirmer cela et de ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Donc le véritable tawhid de la seigneurie obligatoirement doit donner naissance au tawhid de la divinité. S'il n'y a pas tawhid de la divinité, c'est que il y a faille au niveau du tawhid de la seigneurie. Donc il peut y avoir ici une ambiguïté en se disant « Mais Quraysh, pourtant on dit qu'ils ont le tawhid de la seigneurie et ils n'ont pas le tawhid de la divinité. » Alors que tu dis que le tawhid donc de la seigneurie doit obligatoirement donner naissance au tawhid de la divinité. La réponse est qu'ils avaient certains fondements. Ils avaient certains fondements donc de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils n'avaient pas le tawhid complet de la seigneurie. S'il était complet, ils auraient adoré Allah subhanahu wa ta'ala. De même, Iblis n'a pas le tawhid de la seigneurie de manière complète et absolue comme il est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de manière générale, c'est une règle, le non-musulman n'a pas le tawhid de la seigneurie de manière complète et absolue et totale, non. S'il y a faille au niveau du tawhid de la divinité, c'est qu'il y a donc une faille au niveau du tawhid donc de la seigneurie. Donc ça c'est la première notion. Il y a interdépendance entre ces deux tawhids. Le tawhid de la divinité est une implication obligatoire du tawhid de la seigneurie. Ça c'est la première chose. S'il n'y a pas cette définition-là, on retombe sur le shirk des Qubourines et des Soufias. Donc ils égorgent pour autre qu'Allah, ils font le soujoud devant leur shirk, et lorsque tu leur dis c'est du shirk akbar, ils te disent non, ce n'est pas du shirk, ni asrar ni akbar d'ailleurs, parce qu'ils ont défini le tawhid, donc ils ont défini le tawhid comme étant le tawhid de la seigneurie uniquement, et ils ont écarté le tawhid de la divinité de l'adoration, et comme le shirk étant le contraire du tawhid, ils n'ont que du shirk au niveau de la rububiyya. Donc le shirk pour eux, c'est attribuer à une créature la qualité de créer, de redonner la vie après avoir donné la mort ou autre. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de shirk dans les ibadah chez beaucoup de sectes égarées de ce genre-là. Donc, al-rabbu dans la législation. Al-rab dans la législation. C'est al-ma'boud, l'adoré. Comme va le définir le shirk ensuite. Allah dit, Ya ayyuhannas, u'budu rabbakum. Ô gens, adorez rabbakum, votre Seigneur. Nous verrons comment nous tirons de ce verset-là le fait que ar-rab, c'est l'adorer. Donc ce mot rab, Seigneur, nous le traduisons par Seigneur, par adorer, E accent aigu, il a deux sens dans le sens législatif. Soit il va être cité seul dans un contexte, c'est-à-dire dans un verset ou un hadith, ou bien il va être cité avec le mot « ilah » ou avec le mot « Allah ». S'il est cité seul dans un contexte, il renvoie au mot « ilah ». Le mot « ilah », nous avions vu que c'est aussi l'adorer, E accent aigu. El-ilah, c'est selon la construction fi'al, vous le comprendrez biznillah plus tard, je le dis quand même, inshallah, qui est une construction fi'al dans le sens maf'oul, kitab, un livre. C'est dans le sens maktoub, un écrit, ité, participe passé. Riras, plantation. Dans le sens marrous, planté, E accent aigu. Firash, c'est ce que l'on met par terre, sur le sol. C'est ce avec quoi on recouvre le sol. C'est dans le sens mafrouch, couvert, participe passé. Ilah, c'est dans le sens ma'louh. Aliha ya'lahu, c'est visé, aimé. Adoré, visé par le cœur. Tous les explicateurs disent ça quasiment. Cheikh Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Alladhi ta'lahuhu al-quloub, al-ilah. C'est celui vers qui s'orientent les cœurs. Avec amour. Donc, par adoration. Alladhi ta'lahuhu al-quloub. Donc, al-ilah, c'est l'adoré. Al-Rabb, quand il est cité dans un contexte seul, sans être accompagné du mot « ilah », « Allah », il renvoie, il est le synonyme de « ilah ». Donc il renvoie à la notion d'adorer. Par exemple, Allah dit « Inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal-ard ». Lorsque le mot « rab » donc vient tout seul dans un verset, il renvoie au mot « adorer ». Il est donc le synonyme de ilah. Lorsque les deux mots sont dans le même contexte, le mot rab ici renvoie à la rububiyya. Et le mot ilah renvoie à la uluhiyya. Le mot rab renvoie donc au tawhid de la seigneurie. Donc ça renvoie à ses actes à lui. Donc au créateur, au mudabbir, le gérant, au malik, au possesseur. Et s'il accompagné du mot ilah, le mot ilah, lui, ici, donc renvoie à l'adorer. Le mot ilah, c'est toujours l'adorer. Comme dans قل أعوذ برب قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Donc dans le premier verset, رب الناس قل أعوذ برب الناس. Nous avons dit رب إله, ce sont des synonymes ou pas quand ils sont séparés. Ils sont des synonymes. Oui ou non? Le mot Rab et le mot Ilah sont des synonymes. Je sais que c'est des notions dures à comprendre, mais ça viendra. Non, c'est simple, il faut simplement répéter. Les conséquences de ce type d'information seront comprises notamment quand tu étudieras les égarements des gens. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Dis, je me mets sous la protection du Rabb des gens. مَلِكِ النَّاسِ, le roi des gens. إِلَهِ النَّاسِ, le ilah des gens. Le Coran est exempté de répétitions inutiles. Si le mot Rabb et ilah ici avaient le même sens, ce serait une répétition. Quel en est l'intérêt? Dis, je me mets sous la protection du Rabb des gens, du roi des gens, du ilah des gens. Non, ici, puisqu'ils sont cités dans le même contexte, le mot Rabb renvoie à la seigneurie. Et le mot ilah renvoie à la uluhiyya, à la divinité, l'adoration. Donc lorsque le mot Rabb est cité tout seul, c'est le synonyme de ilah. Lorsqu'il est cité avec le mot ilah, de manière générale, lui, le mot Rabb renvoie à la rububiyya, à la seigneurie, et le mot ilah renvoie à la notion de divinité. Donc, dans la tombe, lorsqu'on va te dire « Man Rabbuk », si on ne fait pas cette différenciation, Abu Jahl, il peut bien répondre. Il peut dire « Rabbi Allah », si jamais la question renvoyée à la Rububiya. Parce qu'on les a questionnés, Quraysh. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont réfuté la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'ils ont réfuté que c'est le créateur, que celui qui descend la pluie, etc.? Non, ils ne l'ont pas réfuté ça. Donc le test dans la tombe, il a lieu sur Al-Rububiya ou bien Al-Uluhiya? Al-Uluhiya, sur la divinité. Donc Man Rabbuk dans la tombe, bima'na Man Ma'bouduk, qui est ton adoré. Pas qui est ton seigneur dans le sens linguistique là, de la tarbiya. Qui est celui qui prenait soin de toi? Qui est celui qui te possédait? Qui est celui qui te donnait la subsistance? Qui est celui qui t'a fait grandir dans le ventre de ta mère? Qui c'est qui t'a donné, t'a protégé? Qui c'est qui te guérissait des maladies? Ça, même Abu Jahl, même Iblis, savent que c'est Allah. Man ma'bouduk. Donc, man ma'louhuk. Qui est celui vers qui ton cœur s'orientait et en acte, donc, auquel tu obéissais? Ici, seuls les croyants répondront. Seuls les croyants répondront. Ça, c'est un type de shubha. Le Qubouri, quand il va égorger pour autre qu'Allah, il te dit, mais moi, je n'attribue pas la rububiyya. Il te dit, d'ailleurs, regarde la preuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit que dans la tombe, on va nous dire, men ilahuk. Toujours, vous parlez de uluhiyya, vous parlez de divinité, vous mettez en garde contre le shirk. Regarde, il te demande, men rabbuk, qui est ton seigneur? Et moi, celui pour qui j'égorge, ou le voyant que je vais voir, ou bien le sorcier ou autre, moi, c'est simplement une cause. Je ne lui attribue pas la connaissance de l'invisible. Je ne lui attribue pas des qualités divines. Et lorsque je serai questionné dans la tombe, et qu'on me demandera, men rabbuk, je dirai, Rabbi Allah. Car je sais que c'est lui qui fait descendre la pluie. Je sais que c'est lui qui donne la vie. Je sais que c'est lui qui donne la mort. Je sais que c'est lui qui fait ressusciter les morts. Je sais que c'est lui qui élève. Je sais que c'est lui qui rabaisse. Et je n'attribue aucune de ses qualités à autre qu'Allah. Donc je suis un mouahid. Non, tu te trompes. Tu n'es pas un mouahid, tu es un mouchirik. Car le tawhid n'a pas lieu que dans Rububiya. Le tawhid de la Rububiya n'est pas suffisant. Et si le tawhid de la Rububiya était réel chez toi, tu ne ferais pas un tawhid, un shirk au niveau de la uluhiyya, comme c'est ton cas. Donc, man rabbuk bima'na man ma'bouduk, qui est ton adoré. Fa'idha qila laka mal usul thalatha, si on te demande quels sont les trois fondements, dont la connaissance est obligatoire pour toute personne, dit la connaissance par le serviteur de son seigneur. Donc, vous avez compris la notion de seigneur dans le sens législatif? Qui répète, Inch'Allah? Que je viens de dire. Sens, Rabb, il a un sens dans la langue, deux sens législatifs. Pas dit tout ça pour rien. Je sais que c'est imbriqué, parfois aussi j'apporte mal les infos, je m'en rends compte. Seul, il est dans le sens de la uluhiyya. Dans le sens linguistique, Rabb, ça renvoie à quelle notion de manière générale? Protecteur. Propriétaire. Surveillance, voilà, l'attention, comme le berger. Le berger, il possède les moutons, il prend soin d'eux, il les soigne, il leur donne à manger. C'est Rab. C'est le Rab des moutons. Oui, Tarbiya, na'am. Je ne l'ai pas cité d'ailleurs. Le mot Tarbiya, qui veut dire amener par étape l'individu à au stade de complétude, le mot Rab est tiré de ça, de Tarbiya. Le mot Rab, il est en lien avec la Tarbiya, qui est, comme on dit les savants, amener, donc, par étapes successives et progressives, la personne à son stade de complétude. Et c'est ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala avec les créatures. Donc ça, c'est dans le sens linguistique, dans le sens législatif. Le mot Rab. Donc premier cas, il est cité tout seul. Quelle est sa définition ? Al-Ma'boud. Al-Ma'boud. On va voir pourquoi c'est le Ma'boud. Parce que je l'ai dit sans dire pourquoi. Tu viens, tu dis c'est Ma'boud comme ça ? Non, ça ne marche pas ça. Il faut que tu dises pourquoi c'est Ma'boud. On va le voir. Donc ça, c'est la première notion. Il veut dire Ma'boud. Donc c'est le synonyme de Ilah. La ilaha illallah. Ensuite, quand il est cité avec le mot ilah, ça renvoie à la seigneurie. Et le mot ilah renvoie à l'uluhiyya, à l'adoration. Ensuite, wa dinahu, et sa religion, la connaissance de la religion. Dana yadinu, donc la religion, c'est ata'a, l'obéissance. C'est obéir. Et dans le sens législatif, donc c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il a rendu obligatoire et en délaissant ce qu'il a rendu interdit. Donc ceci aussi est une obligation pour le serviteur de connaître sa religion. Et quand on veut dire din, c'est el-islam. El-islam. Il n'y a qu'un din. Inna dina indallahi l-islam. La religion auprès d'Allah est l'islam. Le christianisme aujourd'hui et le judaïsme ne sont pas des religions. On dit, ce ne sont pas des religions, on ne dit pas que c'est des adiennes, ce sont des religions. Adiennes batila, ce sont des. Si on dit religion, on est obligé de dire fausse. Ce ne sont pas des religions, car Allah dit inna dina indallah l'islam. La religion auprès d'Allah est l'islam. Wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Et la connaissance du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé donc les êtres humains pour son adoration, il a donc envoyé des prophètes alayhi musallatu wassalam pour montrer le chemin de l'adoration à ces êtres humains-là. Donc, le prophète, quel qu'il soit, alayhi musallatu wassalam, est un intermédiaire entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que l'on veut dire par intermédiaire? C'est-à-dire un intermédiaire montrant le chemin, pas un intermédiaire par lequel on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien par lequel on va donner des adorations pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan, ça entre dans le shirk. Les prophètes alayhimu salatu wassalam sont des êtres humains, mais qui se différencient par le fait qu'ils reçoivent donc une révélation qu'ils transmettent à leur tour aux êtres humains pour leur montrer le chemin légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innama ana basharum mithlukum. Dit, je ne suis qu'un être humain comme vous. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Il m'est révélé que votre Seigneur, que votre Dieu est un Dieu unique. وَنَبِيَّهُ, mais ici il a dit, et son prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la connaissance du prophète Muhammad, alayhi salatu wa sallam, est une obligation, un fondement obligatoire pour toute personne musulmane, mécréante. C'est une obligation. Et le shirk va ensuite, bi'iznillahi azza wa jal, développer cela. Donc on remarque que ces trois notions citées là, elles renvoient à la première notion des quatre obligations citées au tout début du texte. Sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il est obligatoire pour nous de apprendre quatre notions. La première, al-ilm. Wa huwa, qu'est-ce qu'il a dit ? Ma'rifatullah, wa ma'rifatu dinihi, wa ma'rifatu nabihi. Il avait dit donc au début du texte, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. La première, la science. Et il avait dit, c'est la connaissance d'Allah et la connaissance de la religion et la connaissance donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont donc ces trois fondements ici. Il dit ensuite, فَإِذَا قِيلَ لَكَ, si il t'est dit, مَنْ رَبُّكَ, si il t'est dit, مَنْ رَبُّكَ, quel est ton Seigneur? Est-ce que le shaykh ici vise le arabe dans le sens linguistique, dans le sens linguistique, donc protection, créateur, etc., qui renvoie donc au premier sens, au sens législatif, lorsqu'il est annexé au mot Allah ou bien Ilah, ou bien le deuxième sens? Les explicateurs disent que c'est peut-être le premier ou le deuxième. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ, si on te dit, qui est ton Rabb, dans le sens, qui est ton créateur, qui est ton protecteur, qui est celui qui te donne la subsistance, qui est celui qui te donne la vie, qui est celui qui te guérit des maladies, qui est celui... Donc, toutes ces unités en lien avec la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça c'est une première explication possible, on va voir pourquoi. Si il t'est demandé, qui est ton Rabb, dans le sens, tawhid rububiyya, ou bien deuxième sens, si on te demande, qui est ton Rabb, dans le sens, ma'boud ilah, donc contenant ar-rububiyya. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, quand j'ai expliqué les deux notions de tawhid, tawhid de la seigneurie, le tawhid de la seigneurie, par rapport au tawhid de la divinité. Qu'est-ce que nous avons dit? Le tawhid de la seigneurie, je veux un verbe. Implique le tawhid de la divinité. Le tawhid de la divinité contient le tawhid de la seigneurie. Le tawhid de la seigneurie, il implique le tawhid de la divinité. Et le tawhid de la divinité, il contient le tawhid de la seigneurie. Il ne peut pas y avoir adoration exclusive d'Allah, tawhid al-uluhiyya complet et réel, s'il n'y a pas tawhid al-rububiyya. Ça, ce n'est pas possible. Et tawhid al-rububiyya authentique implique obligatoirement tawhid al-uluhiyya. Ici, il dit, فَإِذَا قِيلَ لَكَ, si on te dit, مَنْ رَبُّكَ, quel est ton Seigneur? Soit dans le sens tawhid al-rububiyya. Qui est ton créateur? Qui est celui qui te, qui, avec toutes les unités que vous connaissez, qui est celui qui te possède, qui est celui qui te gère, qui... ou bien deuxième sens, qui est ton adoré? Faqul, dit donc de manière sûre, avec certitude et conviction, Rabbi Allah. Donc mon Rabb est Allah. Mon Rabb est Allah. Dit mon Seigneur, ou bien mon adoré est Allah. الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. Donc dit mon Seigneur ou bien mon adoré est Allah. Les deux explications sont possibles. Certains disent que on interprète la parole du Shir comme quoi il visait le mot Rab dans le sens adoré, donc synonyme de ilah. D'autres disent non, il visait dans le sens Rab, tawhid de la seigneurie. Car ici, il va citer donc des unités composantes du tawhid de la seigneurie et ensuite il va définir le Rabb comme étant al-ma'boud, l'adoré. Donc, il cite ici le premier fondement qui est tawhid al-rububiyya pour ensuite montrer l'implication que nous avons citée, que le tawhid de la divinité découle de celui-ci. Et d'autres disent que c'est plus authentique de dire qu'il visait par le mot arabe, le mot adoré. Wallahu a'lam, et les deux sont authentiques. Il y aurait problème s'il avait parlé de Rububiya et n'avait pas parlé de Uluhiya derrière. Là, ça aurait fait défaut par rapport au sens législatif. Mais qu'il ait cité le mot arabe et l'explique comme étant au début, donc simplement en lien avec Tawhid al-Rububiya, et qu'ensuite il apporte l'Uluhiya, c'est acceptable. Ou bien on peut dire qu'il visait d'entrée, lorsqu'il a cité le mot arabe, al-Ilah al-Ma'boud. Faqul, dit donc, Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Alladhi Rabbani. Donc, celui qui m'a, entre guillemets, je mets bien, éduqué. Rabbani. Donc, sens éducation dans le sens très général. Donc, Alladhi Rabbani, c'est-à-dire celui qui m'a créé. Alladhi Yamlikuni, c'est celui qui me possède. الذي يدبر شؤوني, celui qui gère toutes mes situations. الذي يشفيني, celui qui me guérit, إذا مريت, lorsque je tombe malade. الذي يطعمني, celui qui me donne donc ma nourriture. الذي يسقيني, celui qui donc m'abreuve. Toutes ces unités là composantes entrent dans cette notion de rabbani. الذي رباني, donc celui qui m'a éduqué, pris de التربية. التربية, qui est donc l'élévation, le développement donc d'un individu en lui faisant passer des étapes les unes après les autres de manière progressive pour l'amener à sa complétude. Donc ce qui est le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures. Comment est-ce qu'il les protège et les fait évoluer depuis donc leur apparition dans le ventre de leur mère jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes, il nous fait passer des étapes, il nous apprend à parler, il nous apprend à marcher, il nous apprend toutes ces choses-là, il nous donne à boire, il nous donne à manger, il nous fait croître, il nous développe dans notre santé, notre force, notre intelligence, tout ceci entre dans At-Tarbiya. Et ceci est en lien avec Ar-Rububiya pour l'instant. Et le shir ici a dit, donc Rabbi Allah, mon Seigneur, et Allah, Alladhi Rabbani, celui donc qui fait ma tarbiya, qui fait mon éducation. وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ, et donc qui éduque جَمِيعَ الْعَالَمِينَ, toutes les créations, tous les mondes. الْعَالَمِينَ, le shir va l'expliquer, بِنِعَمِهِ, avec donc ses bienfaits. الْعَالَمِينَ, c'est le pluriel de عَالَم. Et الْعَالَمِينَ, c'est tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit Rabbani, il m'a éduqué moi. Est-ce que cette éducation, vous avez compris le mot éducation, hein, pas dans le sens restreint de notre langue, c'est avec un E majuscule, l'éducation dans le sens en lien avec la seigneurie. Celui Rabbani qui m'a éduqué, est-ce qu'elle est spécifique à lui seulement? Ou bien qu'aux musulmans cette tarbiya là? Ou bien qu'à l'être humain? C'est une éducation donc qui englobe quoi? Tout. Le soleil entre dans cette tarbiya. La lune entre dans cette tarbiya. Les animaux, les végétaux, toute la création. Iblis, Pharaon, Abu Jahl, tous entrent dans cette tarbiya-là. Car il a dit « Rabbani wa Rabba jami' al-alamin ». Donc il m'a éduqué et a éduqué toutes donc ces créations-là « bini'amihi » avec ses bienfaits. Car effectivement, tous profitent des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit les croyants, comme les prophètes, alayhi salatu wa salam, ou bien les mécréants, comme Iblis, Abu Jahl, et tous ces grandes têtes du kufr. Que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, tous, donc, profitent des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, observez bien, ensuite le shir a dit, wa huwa ma'boudi. Wa huwa, et lui, Rabbi Allah. Donc Allah, wa huwa lui, ma'boudi, c'est mon adoré. Le i là, c'est le mon là, c'est le pronom possessif en français. Kitabi, mon livre. Bayti, ma maison. Ma'boudi, mon adoré. E accent aigu, participe passé. Mon adoré, celui que j'adore. Wa huwa ma'boudi. Et ici, certains chouyouks ont fait la remarque, il aurait été plus approprié de dire fahuwa ma'boudi plutôt que de dire wa huwa ma'boudi, car il est dit, et si l'on te dit qui est ton Seigneur, dis alors faqul, dis alors mon Seigneur est Allah, celui qui m'a éduqué et a éduqué tous les mondes avec ses bienfaits, et il est mon adoré. Et nous avions dit que tawhid ar-rububiyya implique tawhid al-uluhiyya. Il aurait été donc plus astucieux qu'il dise fahuwa, donc, il est mon adoré. Fa as-sababiyya. Le fa indiquant la causalité. Parce que il m'a éduqué et éduqué tous les mondes avec ses bienfaits, donc il est mon adoré. Lui, il a dit wa, et il est mon adoré. Ce qui reste toujours juste, mais il n'y a pas la notion de implication entre les deux notions de tawhid. Wa huwa ma'boudi, et il est mon adoré. Nous avons dit que le tawhid doit reposer sur deux piliers, lesquels? Al-Ifrad, Tawhid, c'est Al-Ifrad dans la langue arabe. Al-Ifrad. Amr est debout. C'est un Ifrad de Amr par rapport à la position debout. Est-ce que c'est une unicisation de Amr par rapport à la position debout? Amr est debout. Quelqu'un derrière vient te dire, et Zayd est debout. Tu peux lui dire, ah non, moi j'avais dit au début, Amr, seul Amr est debout. Elle va te dire, tu as dit Amr est debout. Il n'y a pas ici unicisation, unicité. Personne n'est debout, sauf Amr. Tu peux dire après derrière, et Zayd aussi avec lui. La contradiction. Donc ici, il a dit, Wahoua, et il est Ma'boudi, et il est mon Seigneur. Pour concrétiser ces deux piliers-là, il a rajouté ensuite, Leysali Ma'boudun Siwa. Je n'ai pas d'adoré en dehors de lui. Wahoua Ma'boudi, Ithbat. Leysali Ma'boudun Siwa, Nafi. Donc, Wahoua Ma'boudi, affirmation, confirmation. Leysali Ma'boudun Siwa, je n'ai pas d'adoré en dehors de lui. Infirmation. Donc le tawhid n'a lieu que s'il y a attribution à Allah subhanahu wa ta'ala de l'unicité, le rejet de celle-ci à tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici le shaykh explique bien. Donc Ar-Rab, c'est Al-Ma'boud. Al-Ma'boud. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et la preuve et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله رب العالمين الحمد la louange, nous traduisons ça comme cela nous. لله appartient à Allah, رب العالمين, le Seigneur, donc العالمين, des univers, des créations. Donc c'est le premier verset de sourate al-Fatiha que tous nous connaissons et que peu comprennent. Allahumma fahimna, qu'Allah nous fasse comprendre inshallah ces versets. Donc le cheikh ici apporte un verset pourquoi? Pour prouver ce qu'il a dit auparavant. Donc qu'est-ce qu'il va prouver ici? Il va prouver ce qui a été cité comme notion. Donc que le Rabb, c'est Al-Ma'boud, que c'est lui l'adoré. Et que c'est celui donc, qui a éduqué tous les mondes, et que c'est celui qui l'a éduqué lui. Donc ça c'est des notions pour lesquelles il doit apporter désormais une preuve. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Donc, dans la langue arabe, comme l'ont défini dans Shara, Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi a dit, c'est Alhamdu. Yakunu ala mahasinil mahmoudi ma'al mahabbati lah. Alhamdu. Donc, c'est l'évocation. C'est l'évocation des bonnes qualités. Donc de celui qui est évoqué, c'est l'évocation des bonnes qualités de quelqu'un avec l'amour pour celui-ci. Avec l'amour pour celui-ci. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dit فَالْحَمْدُ إِخْبَارٌ عَنْ مَحَاسِنِ الْمَحْمُودِ مَعَ حُبِّهِ وَإِجْلَالِهِ وَتَعْظِيمِهِ. Ibn al-Qayyim rahmatullah dit que Al-Hamd, c'est informé donc des bonnes qualités, des bonnes qualités, des bons donc côtés de celui que l'on évoque, avec amour pour celui-ci, wa ijlal, vénération, et ta'zim, importance. Donc ce qui est important dans le hamd, qu'il faut retenir, c'est donc l'évocation, par la langue. Le hamd, ça se fait par la langue. L'évocation, donc, des bonnes qualités. Donc l'évocation des mauvaises qualités entre dans le hamd? Non, ça rentre dans le sub. Ça rentre dans l'insulte. Donc l'évocation des bonnes qualités. Simplement, ou bien avec amour, avec ta'zim, importance, ijlal, vénération, avec ces qualités-là. Si ces qualités sont enlevées, on appelle ça al-madh. C'est-à-dire, c'est dire des bonnes qualités, mais pas par amour. Hein? Pas avec vénération, pas en donnant de l'importance. Et ça le faisait, ça, les Arabes, dans leurs poèmes. Ils faisaient des poèmes dans lesquels ils évoquaient les qualités de certains, mais sans l'aimer et sans lui donner de l'importance, ce qui n'était pas du hamd. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici Alhamdu. Alors on révise le alif lam ici là. Le alif lam de Alhamdu, qu'est-ce qu'il indique? Voilà, toutes les formes de louange possibles. toutes les formes de louange possibles. Tu dis Allahu arhamur rahimin. Allah est le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est une louange. C'est une louange ou pas? Oui. Ça rentre dans le hamd. Oui. Oui, c'est un hamd. Hada hamdun. Tu dis Allahu huwa al-a'lam. Allahu ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toute chose. C'est un hamd ça? Oui. Allahu muhyi al-mauta. Allah fera revivre les morts. Non, tu parles d'une bonne qualité de lui. Tu dis Allahu akramul akramin, Allahu arhamur rahimin. Tu Allahu al-aliyul azim. À chaque fois que tu parles avec, bien sûr, en intériorisant donc l'amour, at-ta'zim, l'importance, la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala, évoquant ceci, tu es dans le hamd. Allah ici a dit Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ce alif lam, il induit l'istighraq, c'est-à-dire l'englobement de toutes les unités possibles du hamd. Toutes les formules du hamd possibles, lillah, appartiennent à Allah. Appartiennent. Ce lam là, nous on le traduit par. On va le traduire en français. Reviennent de droit à Allah. Si on veut faire une traduction la plus proche du lem, qui est l'istihqaq ici. Alhamdu lillah. Ce lem, on peut le traduire par, il y a un lem en arabe qui s'appelle al-mulkiya. Les louanges, toutes les formes de louanges appartiennent à Allah. Ou bien l'irtisas. Toutes les louanges, toutes les formes de louanges sont spécifiques à Allah. Mais la majorité, le mieux, ils disent c'est l'istihqaq. Elles reviennent de mérite. Toutes les formes de louanges reviennent de mérite à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdu lillah. Lillah. Donc lillah. Le lam, il est rentré sur quel mot là, lillah? Allah. Allah. On avait expliqué le mot Allah. Le mot Allah, ça vient de al-ilah. C'est le alif lam là. Ta'rif, c'est l'article al qui est rentré sur le, qui a pénétré le mot ilah. Al-ilah, à la base c'est comme ça, al-ilah. On a enlevé le hamza là, qui est après le lem sakin, al-i, i. Le i on l'a enlevé là, al-ilah. Il reste deux lem qui se suivent. Donc on a fait le idram du premier dans le deuxième. Al-lah. Après on a emphatisé, donc le alif, Allah, Allah, alhamdulillah, la louange est à Allah. La louange est à Allah. Allah, c'est elle, à la base, elle, il est, elle, ma'boud. Elle, ma'boud, ça entre dans la définition de Allah. Allah, c'est elle, ma'boud, subhanahu wa ta'ala. C'est le nom englobant tous les autres noms. C'est le nom englobant tous les autres noms. Allah, c'est un nom propre, ça. C'est un nom propre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ismuhul Adam. Donc, la louange revient de droit à Allah. Ça, c'est quelle forme de tawhid? Tawhid al-uluhiyya. Parce que al-hamd, c'est une ibadah. Naam. Lillah. La louange, toutes ses unités, toutes ses formes appartiennent à qui? À Allah. Alhamdulillah. Donc toutes les formes de louange reviennent de mérite à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin. Rabbi al-alamin. Donc Rabbil alamin, on a défini la notion de Rabb. Rabbil alamin, donc le Seigneur des mondes. On a expliqué les mondes, c'est tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici on a une forme de tawhid, tawhid al-uluhiyya. Ça c'est une jumla ismiya, c'est une phrase nominale. La première phrase nominale du Coran, elle indique le tawhid. La première phrase verbale du Coran aussi indique le tawhid. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Le premier fi'l, le premier verbe, ça va être na'budu. Alhamdulillahi rabbil alamin, pas de verbe. Ar-Rahman ar-Rahim, pas de verbe. Maliki yawmiddin, pas de verbe. Iyaka na'budu. Tawhid. Nous n'adorons que toi. Wa iyaka nasta'in. Le premier amr aussi, le premier impératif est en lien avec le tawhid. Surat al-Baqarah, ya ayyuhannas, on va le voir. U'budu rabbakum. Ô gens, adorez votre Seigneur. Après, dans le même contexte, dans le Baqarah, premier interdit, interdiction du shirk. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Et ne donnez pas à Allah d'équivalent. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa kullu man siwa Allahi alam. Le Cheikh dit, donc après avoir cité ce dalil-là, et tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est un alam. Donc c'est une création. Donc soit on a un Rabb, soit on a un Marboub, soit on a entre éducateur avec le pas dans le sens, vous me comprenez, hein, j'essaie de traduire le mot Rabb. Soit un éduqué, soit on a celui qui donc veille au bon développement de la créature, ou bien soit celui à qui et pour lequel on veille à son bon développement, qui sont tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man siwa Allahi alam wa ana wahidun min dhalika al-alam. Et tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est une création, et moi je suis une unité, quelqu'un parmi cette création là. Donc là le cheikh subhanallah, il y a un côté tarbawi ici, il y a un côté éducatif, c'est que lorsque l'on lit al-Fatiha et qu'on dit alhamdulillahi rabbil alamin, il faut ressentir qu'on est une composante parmi donc ces mondes là et que tu en fais partie. Mon frère, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Et donc en priorité, ton Seigneur à toi. Ton Seigneur à toi. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Si on te demande, par quoi as-tu connu ton Seigneur? Si on te demande, par quoi as-tu connu ton Seigneur? Donc ce Seigneur-là, que tu prétends être ton adoré, il est invisible. Il fait partie du monde invisible. Wa min al-ghayb. Tu ne le vois pas. Donc il faut des preuves. Il faut des preuves pour pouvoir confirmer ce que tu prétends. Et les preuves prouvant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas que son existence, aussi son unicité, sont de trois catégories. La première, c'est donc al-adilla al-fitriya. Les preuves qui sont dans la saine nature, les preuves instinctives qui sont chez les personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris un mithaq. Il a pris donc un contrat en tirant du dos de Adam alayhi salam. Donc avant, lorsqu'il a créé Adam alayhi salam, il a tiré donc de son dos sa dhurriya, sa descendance. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alastu bi rabbikum. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ne suis-je pas votre Seigneur? Qalu bala shahidna. Ils ont dit bien sûr. Donc nous prenons ceci et nous témoignons donc de ce contrat-là. Ça c'est le premier contrat qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis donc en place avec ses créatures. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a mis donc dans chaque être humain, comme il est rapporté dans le Bukhari et le Muslim, dans le hadith d'Abu Huraira, la fitra. Chaque enfant naît selon la fitra. Il naît avec dans son fort intérieur la croyance en ce contrat qu'il a fait avec Allah subhanahu wa ta'ala après avoir été tiré du dos d'Adam alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Kullu mauloudin yuladu ala al-fitra ». Tout enfant naît selon la fitra. « Fa'abawah ». Puis ses deux parents « Yuhawidanihi » enfant un juif « Aw yunassiranihi » ou enfant un chrétien « ou bien en font un adorateur du feu. Donc, puis cette personne prendra un autre chemin en fonction de son environnement et de son choix personnel. Mais à la base, tous nous sommes selon cette fitra-là. Et ça, vous le remarquez quand vous discutez avec un mécréant. Il ne comparera jamais, même s'il rejette l'adoration d'Allah, et même s'il qualifie cela de stupide, d'inutile et d'irrationnel, etc. Il ne considérera jamais cela du même niveau que quelqu'un qui ferait 5 prières par jour pour une chaise, par exemple. Ou bien pour une paire de chaussures. Il qualifierait de fou cette personne-là tout de suite. Mais alors que cette chose est visible, selon sa logique à lui, il aurait peut-être moins d'imbécilité selon sa logique. Puisque lui, il adore quelque chose qu'il voit. Et lui, souvent, il argumente en disant « Mais moi, Allah, je ne l'ai pas vu. Moi, je crois ce que je vois, etc. » Et pourquoi qualifies-tu celui-ci de fou et de vraiment d'imbécile, mais vraiment de ton fort intérieur, de manière sincère et convaincue qu'il est vraiment égaré, et tu ne fais pas ceci par rapport aux musulmans? Parce qu'il le fait avec sa langue, mais dans son fort intérieur, la preuve, il n'y a pas encore de loi mettant dans les hôpitaux psychiatriques, si les vrais musulmans, maintenant ils les mettent. Les vrais, maintenant ils te piquent et ils t'internent. T'es fou. Un vrai musulman, il est fou. Vraiment vrai, dans le tawhid, l'alliance, le désaveu, compréhension du jihad, maintenant il y a des risques. Mais le simple fait de s'identifier aux musulmans, t'es pas vraiment dans un risque parce qu'on te prend pas pour un fou. Ça, il y a encore une part d'acceptation par la raison. Et ça, c'est quoi? C'est sa fitra qui le laisse encore analyser la religiosité de quelqu'un d'autre de cette manière-là. Parce que dans son fort intérieur, il sait que c'est pas totalement et absolument à 100% quelque chose, mais de nul et de stupide et d'absurde que d'adorer justement un créateur omnipotent, omniscient qui nous a comblé de ses bienfaits. Dans son fond intérieur, il reste quelques traces de cette fitra-là. Donc les preuves de l'existence d'Allah, de son unicité, la première, al-fitra. C'est l'instinct comme ça que l'on a cette saine nature. Deuxième, al-adilla al-aqliya. Les preuves, donc en lien avec la raison. Et nous avions parlé des preuves en lien avec la raison. Il y a la raison, donc de manière indépendante, en méditant sur les cieux, sur la terre, sur le soleil, sur la notion de cause-conséquence, de créature créée et créateur, d'où vient ce soleil, placé au bon endroit, qui chauffe comme il faut, cette lune-là, ces saisons, l'alternance du jour et de la nuit, toutes ces choses-là, la méditation, la réflexion sur ces choses-là, font aboutir à la conclusion qu'il y a un créateur, et que ce créateur-là possède des qualités. Donc il est omniscient, il est omnipotent s'il a pu faire tout ceci. Il est aussi miséricordieux. Il aurait pu rapprocher le soleil, nous brûler, ou bien le reculer, nous geler. Mais il l'a mis à bonne distance pour que nous profitions. Et il lui a donné cette course-là afin que nous puissions avoir des unités de temps, jour, année, etc. De même pour la lune. Donc toutes ces notions-là font que j'aboutis à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va impliquer que ce créateur-là, de par ses qualités, mérite d'être adoré. Ça, c'est des adillah aqliya, de la raison. Mais il y a aussi les preuves de la raison en lien avec le Coran. Les versets appelant à la méditation sont des versets, donc, sont des preuves de la raison. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna fi khalqi as-samawati wal ard » il y a dans la création des cieux et de la terre et l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour les gens doués d'intelligence. Ce sont des versets qui appellent donc à la raison et à méditer. Et on a la troisième forme de preuve qui sont les preuves textuelles. Donc du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le Cheikh a dit, rahmatullah alayhi, si l'on te demande par quoi as-tu connu ton Seigneur, Faqul répondit, donc de manière sûre, bi ayatihi, par ses signes, wa makhluqatihi, et ses créatures. Par ses signes et ses créatures. Par ses signes, les signes, selon les savants, donc ils sont de deux catégorie. Al-ayatu, al-makhluqa, les signes créés, le ciel, la terre, les animaux, les végétaux, le soleil, la lune, la pluie, tout ça c'est des signes. Tout ce que Allah a créé sont des signes montrant l'existence, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a ensuite les signes, les ayat maktouba, donc les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont aussi des signes. Et al-ayah, dans la langue arabe, le mot ayah, le mot ayah, c'est quelque chose qui montre une voie, qui montre une direction. Le soleil te montre quoi? Te montre l'existence, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La pluie qui tombe sur la terre sèche et qui fait revivre cette terre et par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait pousser une végétation. Te montre, il y a des signes. Il te montre l'existence d'Allah, il te montre son unicité. Il te montre aussi que comme cette terre était morte et elle a revécu après par le contact de la pluie, Allah aussi, subhanahu wa ta'ala, te fera revivre après la mort. Donc ce sont des signes. Et aussi les ayats du Coran. Les versets du Coran aussi sont des ayats dans le sens où aussi ils montrent des choses. Et ils indiquent donc des directions à prendre, qui sont l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le délaissement du shirk et autres. Donc les versets, bi ayatihi, par ces versets. Par ces versets. Donc, par les versets écrits et par les signes, ces créatures. Wa makhluqatihi, et ces créatures. Et ces créatures. Donc, on peut expliquer ayatihi ici. Le mot ayat du shir, le premier mot cité par le shir. Est-ce qu'il a visé les deux sens de ayat ou bien un seul sens? Est-ce qu'il a visé le sens verset coranique et créature, soleil, lune, etc., ou bien seulement les versets? Les deux explications sont possibles. Donc s'il a visé les versets du Coran avec donc les créatures, donc wa makhluqatihi, donc c'est la coordination du spécifique au général. Par ces signes contenant donc les créatures et les versets coraniques et ces créatures qui sont une unité composante de la définition de bi ayatihi, par ces signes. Ou bien peut-être il voulait dire simplement par ces versets coraniques et ces créatures, c'est aussi une explication qui est possible. Pour eux, ça n'a pas trop de sens, ça. Mais ça, pourquoi est-ce que je le fais? C'est pour nous éduquer à comprendre les moutounes des chouyours. Quand tu vas rentrer dans le fiqh, tu vas voir ce qu'on appelle al-ghaz. Et tu vas voir la azama de nos savants. Que ce n'est pas n'importe qui prend son stylo. Essaie un jour de faire un texte comme ça et d'écrire. Et tu verras que, subhanallah, les savants contemporains, avec tout le respect et l'amour qu'on leur doit, subhanallah, il y a un ravin entre eux et les premiers. Quand tu vois les textes Murtasar Khalil, Umdad ibn Qudama, ces textes-là de fiqh, le mot il est mis à sa place. Subhanallah, comme il faut. Après, il reste des erreurs, ça reste le travail d'un humain. Mais tu vois, subhanallah, tu es époustouflé par la précision de ces textes-là. Parfois, juste le waouh. Regarde, là, l'observation des chouurs, ils vont te faire une sur le waouh, on a dit c'est mieux qu'il ait mis le fa. Pourquoi est-ce que t'as pas mis fa ici? Hein? L'implication du tawhid faisait que tu aurais dû mettre un fa plutôt qu'un waouh. Hein? Donc, par ces signes et ces créatures. Wa min ayatihi. Et parmi ces signes. Et là, ça, c'est un indice montrant que Allahu a'lam, il voulait dire par ayat, les deux sens. Wa min ayati, et parmi ces signes, regardez, il dit la nuit, le jour, le soleil, la lune, et parmi ces signes. Au début, il avait dit par ces signes. Et là, lorsqu'il a dit parmi ces signes, il a cité que des créatures. Donc, ce qui veut dire que au début, il voulait dire par ayat, pas seulement que le Coran, mais sûrement le Coran et les créatures. Parce que là, il va citer justement donc les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit donc parmi ces signes, la nuit. Donc, la nuit est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une rahma. Celui qui vit l'ihsan, qu'Allah nous permette, celui qui vit l'ihsan, « انتعبد الله كأنك ترى » que tu adores Allah comme si tu le vois. Quand la nuit se couche, tu vois des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une des définitions du ihsan. Adore Allah comme si tu le vois. C'est que tu vois dans sa création, tu vois subhanallah à travers ses actes divins-là, ses noms et ses attributs. Quand la nuit se couche, que tu es fatigué, tu rentres dans ton lit dormir, subhanallah, tu vois la rahma d'Allah. Allah il dit, et si nous avions voulu, nous aurions mis le jour de manière éternelle. Et aussi, et si nous avions voulu, nous aurions mis la nuit de manière éternelle. Et il dit, et si nous avions voulu, nous leur aurions mis le jour de manière éternelle. Et qui aurait pu leur apporter la nuit? Et si nous avions voulu, nous leur aurions mis la nuit de manière éternelle. Et qui aurait pu apporter le jour? Alors, quand tu vois la nuit le soleil se coucher, la nuit apparaître, c'est une rahma d'Allah. Ça renvoie à la qudra d'Allah, ça renvoie au ilm d'Allah, ça renvoie à toutes ces qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va impliquer en toi l'adoration de celui qui a porté la nuit. An-nahar, le jour aussi. Le jour afin que nous vaquions à nos occupations et que nous puissions profiter de notre vie. Ça aussi, c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, indiquant son unicité, indiquant sa miséricorde, indiquant sa science, indiquant son omnipotence, indiquant toutes ces qualités là d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui vont donc impliquer dans la personne qui réalise réellement le tawhid de la Seigneurie, l'adoration de celui-ci. Pour ça que le sujud shukr, après donc un événement qui provient de la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va donc créer dans ton cœur un amour qui va déborder, il va créer la prosternation. Tu vas poser ton front par terre et tu vas remercier ce Seigneur-là. Donc ces signes-là, hein, ce sont des signes aussi à vivre dans le sens, donc de après avoir conclu de la rububiyya, subhanallah, il y a la ubudiyya qui doit découuler de cela. L'observation du jour, de la nuit, hein, Regarde ce que a dit Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de sourate Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard. Il y a dans la création des cieux et de la terre. Wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Et l'alternance du jour et de la nuit. La ayatin li ulil albab. Des signes pour les gens doués d'intelligence. C'est qui ces gens doués d'intelligence? Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyam en position debout. Wa qu'udan en position assis. Wa ala junubihim. Il y en a des certains mufassirs, ils ont dit c'est la prière là. Prière debout, la prière assis, la prière sur le côté si tu es malade. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Rabbana. Regarde ce que ça a donné ça. Qu'est-ce que ça a donné comme conclusion? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Là, le mot Rabb, il est venu tout seul. Ça veut dire quoi? Ma'bouduna, notre adoré. Pas Rabbana, notre Seigneur, dans le sens rububi, simple, dans le sens de la Seigneurie. Rabbana, notre Seigneur, ma khalaqta hadha batilan. Regarde la conclusion de cette complexité, de cet agencement, de cette création magnifique. Elle leur a fait dire quoi? Ma khalaqta hadha batilan. Tu n'as pas créé ceci en vain. Faqina adhab an-nar. Protège-nous du feu de l'enfer. Ils ont compris qu'après toute cette sagesse-là, il ne peut y avoir une création comme ça en vain, sans but. Protège-nous donc du feu de l'enfer. Ils savent qu'ils vont subir des comptes. Faqina adhab an-nar. Donc, par ces signes, la nuit, le jour, le soleil aussi, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une création magnifique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, subhanallah, cette boule de feu, c'est ajib. Wallahi, celui qui médite là-dessus, c'est... Et en plus, nous, sans notre connaissance de tous les astrophysiciens, Allah alam, eux, tout ce qu'ils connaissent. Mais malgré cela, subhanallah, ils n'en sont pas arrivés à conclure, soit même de l'existence d'Allah, ou bien de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, observez, ils cherchent, ils veulent ils cherchent des traces de vie sur Mars, ils veulent créer la vie ailleurs, mais subhanallah, à chaque fois qu'il y a une planète, c'est ou trop loin, ou trop près, ou trop chaud, ou trop froid. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le soleil vraiment à la bonne distance comme il faut. Et avec une chaleur, subhanallah, qui est profitable. Même quand il fait trop chaud, il fait jamais trop chaud. Et subhanallah, et où il ne fait pas chaud, Allah a mis en l'être humain, subhanallah, d'instinct, il ne va pas vivre là-bas. Ou bien, il n'y a que quelques personnes qui vivent là-bas et Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de mettre en place les techniques pour pouvoir vivre. Et de même où il fait très froid, il y a peu d'habitants. Alors l'équilibre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la distribution de la population. La majorité des gens sont dans les zones tempérées. Quelques-uns dans les igloos là-haut et d'autres quelques-uns dans leur tente dans le désert là-bas. Mais là-bas, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a mis un équilibre dans cette créature-là pour pouvoir aussi donner l'unité de la journée. Ça, c'est une rahma aussi. Le soir, quand le soleil va se coucher, tu vas te demander des comptes sur ta vie. Si on n'avait pas ce découpage-là par unité, jour, semaine, comment est-ce que l'on ferait? D'abord, pour savoir le temps, comment est-ce qu'il passe, ça, ce serait pour l'organisation mondaine de nos activités, mais aussi pour nos adorations avant tout, c'est ça qui serait le plus dérangeant, et aussi pour te demander des comptes. Tu ne saurais pas où est-ce que tu en es là. Combien est-ce que de temps est passé de ta vie? Quel âge tu as ou autre? Allah subhanahu wa ta'ala a mis ces unités-là. Pour celui qui veut méditer, comme il dit dans le Coran. Il médite sur sa vie, où est-ce que j'en suis? Ça fait une semaine, ça fait une journée, ça fait une demi-journée. Est-ce que j'avance vers Allah? Tout ça, c'est des rahmats d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, la lune. La lune, c'est une autre unité. Le mois lunaire, par lequel, alhamdoulilah, nous fonctionnons, nous les musulmans. Et il y a beaucoup d'autres... Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une cause pour beaucoup d'autres choses, mais Allah subhanahu wa ta'ala, awwalan wa akhiran, est celui qui fait tout. Ayyuhal ikhwa. Min makhluqatihi. Il dit parmi ces créatures, as-samawati as-sab'. Et parmi ces créatures, donc les sept cieux. Wal aradun as-sab'. Et les sept terres. Les sept cieux, subhanallah. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, les sept cieux, par rapport au marchepied d'Allah, ne sont que comme une bague, sont-elles une bague jetée, donc dans une terre désertique. Ces sept cieux, avec l'immensité qu'ils ont, et le premier ciel est celui décoré, comme il est dit, donc dans surat وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ surat al-mulk, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous avons embelli donc le ciel de ce bas monde par des astres. Et nous en avons fait des projectiles par lesquels donc nous frappons les shayatines, les démons. Ces sept cieux sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les sept terres aussi, avec tout ce qu'elles comportent. Wallahu a'lam de les sept terres, comment est-ce qu'elles sont, nous voyons celle qui est sous nos pieds. Ces terres-là sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man fihin, et ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans aussi sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces créatures-là, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, que ce soit les insectes, que ce soit l'eau, que ce soit la terre, que ce soit toutes ces choses-là sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui médite dessus arrive à une conclusion, c'est qu'il y a un créateur. Et que ce créateur-là mérite d'être adoré. Observez l'équilibre qui existe, subhanallah. Juste le déplacement, une fois j'avais lu, ils avaient fait pénétrer le lièvre en Australie. Il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Ils ont amené quelques lapins. Et ça se développe vite, ça. Ils ont dit qu'il y avait une invasion de lapins au bout d'un moment. Alors, ils ont été obligés d'introduire le renard. Puis, ils ont introduit le renard pour qu'il mange le lapin et le lièvre. Parce que le lièvre, il commençait à massacrer toutes les cultures. Ils ont introduit juste un animal dans une contrée qui n'est pas la sienne. Et il y a eu, subhanallah, défaillance après au niveau de cette chaîne-là. Et après, ils ont dû encore en introduire un autre. Car Allah a tout créé, wa qaddara kulla shay'in taqdira, et il a tout créé, subhanallah, avec organisation, subhanahu wa ta'ala. Donc parmi ces créatures, les sept cieux, les sept terres et ce qu'ils contiennent, wa ma baynahuma, ce qu'il y a entre eux. Wa dalilu qawluhu ta'ala, et la preuve de ceci est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi al-laylu, et parmi ces signes, la nuit. Wa shamsu, et le soleil. Wa al-qamar, et la lune. La tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamari. Ne vous prosternez pas donc devant le soleil, pour le soleil, ni pour la lune. Car ces créatures-là sont adorées par certaines sectes égarées, par certains mécréants, du fait de leur immensité, du fait des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à travers ces créatures-là. Certaines personnes, donc vous, un culte à ces créatures-là, ou bien associent ces créatures. Et donc, les al-majous adorent le feu, d'autres adorent le soleil. Certains adorent le soleil comme il a été interdit. Le prophète alayhi salatu wa salam a interdit donc al-nawafil, les prières surrogatoires entre l'asr ou al-maghrib, du fait de ne pas ressembler donc aux mushrikines qui se prosternent devant le soleil. Donc, Allah dit ne vous prosternez pas devant le soleil, ni devant la lune, et prosternez-vous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset, il montre bien. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité sa rububiyya, qu'est-ce qu'il cite? Après avoir cité tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya. Car il y a implication. Il y a implication entre les deux formes de tawhid. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait le reproche à ceux qui confirment Tawhid al-Rububiyya de ne pas l'adorer seul et unique. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala reproche aux koufars de Quraysh d'adorer des créatures n'ayant pas les qualités de Rububiyya. Il dit « Aya'buduna ma la yakhluqu, ayushirikuna billahi ma la yakhluqu, wa hum yukhlaqoun » Est-ce qu'ils associent à Allah ceux qui ne créent pas, mais qui sont, bien au contraire, eux-mêmes créés. Donc, vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala des statuts auxquels vous-même, vous n'attribuez pas les qualités de tout entendant, omniscient, de créateur, de etc. Vous n'attribuez pas ceci à vos statuts. Donc, pourquoi est-ce que vous leur attribuez donc une part de uluhiyya, une part donc de vos actes et de vos adorations? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait le reproche à ceux qui confirment la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas l'adorer, et aussi le reproche donc aux gens adorant des créatures, d'adorer ces créatures-là, alors qu'elles ne sont pas, elles n'ont pas les qualités de seigneurie. Donc Allah dit, et ne vous prosternez pas, donc devant le soleil et la lune, et prosternez-vous pour Allah, alladhi khalaqahun, celui qui les a créés. Donc Allah est celui qui a créé le ciel, la terre, a créé le soleil, la lune. Prosternez-vous donc devant celui qui les a créés. In kuntum iyyahu ta'budun. Si vous adorez seulement et uniquement lui. À la base, c'est in kuntum ta'budunahu. In kuntum ta'budunahu. Ce damir là, donc ce pronom personnel qui est un COD. Si vous adorez lui. si vous adorez lui, in kuntum ta'buduna hu, après le verbe. On l'a enlevé et on en a fait un damir munfasil et on l'a mis devant le verbe ta'budun. On en a fait un pronom isolé devant ta'budun. In kuntum iyahu. Iyahu, on a enlevé le hu de ta'budunahu. Comme iyaka na'budu. À la base, c'est na'buduka. Nous adorons toi. On a enlevé le ka. Na'buduka. Et on l'a mis devant. Iyaka na'budu. Ce n'est que toi que nous adorons. Et ici, il y a les deux piliers du tawhid, yarhamukallah, les deux piliers du tawhid, du ifrad, qui sont nafi wal ithbat. Nous t'adorons, mais peut-être quelqu'un d'autre avec toi. Nous n'adorons que toi, nous t'attribuons l'adoration et nous la rejetons à autrui. Ici, in kuntum iyyahu ta'budun, si c'est lui que vous adorez seulement et uniquement. Parce que le mef'oul bihi, le COD, a été avancé. À la base, il est après le verbe. Et le fait de l'avancer, d'avancer ce qui doit être à la base reculé, indique al-hasr, l'exhaustivité, l'exclusivité. Ça, on l'avait vu dans un des cours. Wa qawluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Donc votre Seigneur, إن ربكم الله. Donc إن ربكم, إن معبودكم, votre adoré est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi sur le trône. Il fait pénétrer la nuit dans le jour. Il a créé aussi le soleil, la lune, wa an-nujum et les étoiles, musakharatin bi amri. Elles sont asservies par son ordre. Ala lahul khalq wal amr. N'est-ce pas que lui appartient la création et al amr, l'ordre. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Je n'aime pas moi traduire ces phrases qui sont difficiles pour moi, enfin même impossibles. Tabaraka, c'est un verbe. Donc on ne peut pas dire un mot à la place. Tabarakallahu rabbul alamin, le Seigneur des mondes. De même dans ce verset-là, donc Allah subhanahu wa ta'ala donc nous montre qu'il est le créateur des cieux, de la terre, du soleil, de la lune, des étoiles, et que ceux-ci sont asservis par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dit, n'est-ce pas que lui appartient la création et al-amr, et aussi l'ordre. L'ordre universel, donner la vie, gérer, donner la mort, etc. Et aussi l'ordre shar'i, l'ordre législatif. Donc de faire et de ne pas faire. Donc les versets sont en lien avec ce qu'a dit le Sheikh rahimahullah lorsqu'il a donc confirmer la rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le sens du Rabb c'est al-ma'boud. Et il va continuer à le développer ici en disant, on essaie de finir, wa rabbu huwa al-ma'boud. Il a dit wa rabb, c'est le ma'boud. Donc ça on a expliqué, je ne m'allonge pas là-dessus. Donc le Seigneur, al-Rabb, c'est l'adorer. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, je l'ai cité tout à l'heure ici, nous expliquons. Ya ayyuhan nas, ô gens, اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé. Jusque-là, on n'a pas donné des preuves claires que Ar-Rab c'est le Ma'boud. Que Ar-Rab, on peut le définir par le Ma'boud. On va le prendre de ce verset-là. Ô gens, adorez votre Seigneur. Adorez EZ. C'est un verbe impératif. Adorez. Vous adorez votre Seigneur. En arabe ici, u'budu rabbakum. U'budu, c'est un fi'l ou amr. C'est un verbe à l'impératif. Adorer. Ce verbe-là, obligatoirement, il demande à ce qu'il y ait dans la phrase, donc un mot, ou bien une expression qui va être le lieu où va voir, où va être faite l'action du verbe. L'action, c'est quoi le verbe ici, là? L'action, c'est quoi le verbe ici? U'budu, adorer. Adorer. Quelle est l'action demandée? l'adoration. Celui donc qui va être adoré, en français on va dire c'est un adoré. Adoré. E accent aigu. C'est un participe passé. Adoré. Ô gens, adorez. U'budu rabbakum. Donc ici le mot rab, comme il subit l'action du sujet, donc qui est l'adoration, c'est un ma'boud. C'est lui le mahal. C'est là où va avoir lieu l'obéissance à ce verbe-là. Allah, il a dit d'adorer qui? Est-ce qu'il a dit u'budu ma'boudakum? Rabbakum. Donc, u'budu, l'adoration va avoir lieu où? Le Rab. Donc, le Rab est le ma'boud. S'il y a ibadah, il y a obligatoirement un ma'boud. S'il y a adoration, il y a obligatoirement un adoré. S'il y a adoration, il y a obligatoirement un adoré. Ici, l'adoré, qui Allah demande à ce que qui soit l'adoré? Ar-Rab, le Seigneur. Donc, Ar-Rab est l'adoré. Donc, U'budu Rabbakum, adorez votre Seigneur. Ar-Rab, c'est le ma'boud, comme on l'a tiré ici de ce verset. Ya ayyuhan nas, U'budu Rabbakum, alladhi khalaqakum. Celui qui vous a créé. Ici, c'est une qualité, on l'avait vu ça dans le dars, il me semble, dernier, montrant la raison de l'adoration. Parce qu'il vous a créé. Ô gens, adorez votre Seigneur. Alladhi khalaqakum, celui qui vous a créé, c'est dans le sens donc de la causalité. Donc on a l'implication du tawhid rububiyya et al-uluhiyya. Celui qui vous a créé, tawhid rububiyya ou bien al-uluhiyya? Voilà. Et u'budu rabbakum, tawhid rububiyya ou bien al-uluhiyya? Tawhid al-uluhiyya. Donc, vous et Allah, un culte exclusif, n'adorez que lui parce que il vous a créé. Donc, concrétisez le tawhid de la divinité parce que c'est lui qui est digne du tawhid de la seigneurie. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, celui qui vous a créé, celui qui a créé ceux qui vous ont précédé, la'allakum tattaqun, afin que vous soyez pieux, que vous craigniez. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, celui qui a fait donc de la terre pour vous un lit. Was-sama'a bina'a, et il a fait donc du ciel bina'an, c'est-à-dire une quelque chose qui vous protège en haut, un plafond, une construction. Wa anzala minas sama'i ma'a, et il a fait descendre du ciel une eau. Fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, et il a fait sortir donc avec cette eau-là des fruits comme subsistance pour vous. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, donc ne donnez pas d'équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala tout en ayant connaissance de cela. Donc Allah a ordonné l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite a interdit le shirk donc d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui concrétise bien les deux piliers du tawhid, du ifrad, qui sont an-nafyu, fala taj'alu lillahi andada, ça c'est quoi par rapport à la ilaha illallah? Fala taj'alu lillahi andada, la ilaha. U'budu rabbakum illallah. Donc on a bien les deux piliers du tawhid. Et le shirk, qu'est-ce qu'il cherchait à prouver par ce verset-là? C'est que Ar-Rab, c'est Al-Ma'boud. Al-Ma'boud. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul et digne d'être adoré. Inch'Allah, on a terminé donc là le... C'est juste une partie là du premier fondement, car après avoir défini... Après avoir défini que Ar-Rab c'est le Ma'boud, que Allah est le seul et digne d'être adoré subhanahu wa ta'ala, il va désormais, donc dans la suite, nous définir les ibadah, qu'est-ce que l'adoration, et nous donner certains types d'adoration pour pouvoir, inshallah, adorer comme il se doit, donc notre adoré, E accent aigu, Allah subhanahu wa ta'ala, et ne rien lui associer. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.